expliquait par rapport à Salat al-Jumu'ah, le doua du professeur Sallam pour la demande de la pluie. Ouais, il disait qu'on ne lève pas les mains dans le. L'imam, il ne lève pas les mains quand il fait le doua dans Salat al-Jumu'ah. La khutbah, il ne lève pas les mains quand il fait le doua. Sauf si il fait le doua de Salat al-Istisqa, il demande la pluie. Alors à ce moment-là, il va lever les mains. Et les gens vont lever les mains avec lui. Mais si c'est un doua ordinaire qu'il fait pendant la prière, pendant la khutbah, ou à la fin de la khutbah, les gens ne doivent pas lever les mains. C'est ça qu'il expliquait. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne levait pas les mains quand il faisait salat al-jumu'ah. Quand il faisait le doua dans le salat al-jumu'ah, il ne levait pas les mains. Et les sahaba, ils ne levaient pas les mains, sauf si c'était le salat al-istisqa. Donc, alhamdoulillah, on va commencer notre cours, inshallah. Je voulais écouter ces paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen à propos de le doua après la prière, parce que je vois que dans certaines mosquées, puis même parfois ici, par certains frères qui, après la salat, ils font des doua. Et en fait, je voulais vérifier, parce que j'ai lu ça il y a longtemps, que la sunna après la prière, c'est de faire les adhkar, de faire les rappels, et non pas de faire le doua. Donc, je voulais me rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ces questions-là, du fait que certaines personnes, par exemple, quand ils font la salat, après la salat, ils lèvent les mains, puis ils font le doua. Et là, le cheikh, j'écoutais Cheikh Ibn Uthaymeen, et il expliquait que, premièrement, la salat, on lève les mains quand on fait le doua de façon générale. Mais quand on fait, par exemple, dans certaines occasions, c'est-à-dire le doua en général, la sunna, c'est de lever les mains. Sauf dans les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne levait pas les mains. Donc, si dans certaines occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne levait pas les mains pour faire le doua, dans ce cas-là, on ne doit pas lever les mains pour faire le doua. Et parmi les exemples de ça que le cheikh il avait mentionné, il a mentionné la salat de Jumu'ah. Et un autre point qu'il a mentionné aussi, même si c'est par exemple relié à ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait la salat, il ne faisait pas des doigts. Il faisait pas des doigts après la prière directement. Donc, on ne peut pas prétendre que la sunna, c'est de lever les mains pour faire des doigts après la salat. D'accord? Et en même temps aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il faisait les doigts à l'intérieur de la salat. Parce que le but de la salat, c'est justement d'implorer Allah et d'invoquer Allah. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de faire des doigts, dubur as-salat, le cheikh, il expliquait que dubur as-salat, ça veut dire avant de terminer la salat, à la fin de la salat, c'est-à-dire à l'intérieur de la salat, après le tashahhud. Après le tashahhud, tu fais le doigt. Mais tu vas pas faire doigt directement comme ça quand tu termines la salat. Et aussi, il expliquait par rapport au fait que yani, si quelqu'un, par exemple, il veut faire des doigts, il profite aussi du sujoud pendant la prosternation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la position dans laquelle le serviteur il est plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est dans le sujoud. Donc, de profiter du sujoud pour faire les doigts. Et en ce qui concerne la fin de la prière ou après le taslim, lorsqu'on termine la salat, on fait les adhkar, hein, on dit trois fois astaghfirullah, puis après on fait les autres adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné. Mais par contre, de faire les doigts, ça c'est pas dans la sunna de le faire. Encore pire si l'imam il fait le doigt à voix haute et que les gens ils font le ta'min, ils disent amin à voix haute en suivant l'imam. Là, ça devient encore plus grave parce que c'est encore plus en opposition avec la sunna. Parce que la sunna, en principe, c'est que lorsque on fait un doua, c'est chaque individu qui fait son propre doua et non pas une doua générale après chaque prière. Pourtant, c'est dans certaines mosquées, c'est devenu une habitude au point où les gens pensent que c'est ça la sunna. Ils pensent que la sunna, c'est que l'imam fasse le doua et que tout le monde répète amin après lui. Et lorsque l'imam qui prie ou quelqu'un qui prie, il ne fait pas ça, les gens, ils le regardent comme si, eh, pourquoi il ne fait pas le doigt? Comme s'il est pas en train, il est en train de contredire la sunna, hein? Alors qu'en réalité, c'est ça qui est bid'a, c'est ça qui est innovation. Aussi, un point que il est important de mentionner, c'est que le cheikh, il a dit aussi par rapport à ceux qui, lorsqu'ils ont fait le doigt après la salat, ils lèvent les mains. Après, quand ils ont fini, parfois, ils vont essuyer leur visage comme ça, avec leurs mains. Et le cheikh, il dit que certains d'entre eux se basent sur un hadith qui mentionne cela, sauf que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Et il dit que même si certains l'ont déclaré un degré qui comme s'ils disent que si on rassemble toutes les chaînes de transmission du hadith, ça peut, disons, monter à un degré qui est hasan li ghayrihi, c'est-à-dire entre la faible, le hadith faible et le hadith qui est bon. Sauf que le cheikh, il dit, par contre, il y a des ulama qui ont rejeté ça complètement. Ils ont dit non, le hadith, il est daïf, donc on n'a pas le droit de faire ça. Et il faut donc pas essuyer son visage avec les mains. Et aussi, bon, une dernière chose que le cheikh, il a mentionné, parmi les points qu'il a mentionné, c'est que si jamais, par exemple, il arrive qu'une personne ait besoin de faire un doua comme ça, et qu'il le fait une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal. Pas de mal de le faire de temps en temps si il y a un besoin quelconque de faire doua à ce moment-là. Sauf que il faut pas que ça devienne une habitude que la personne elle prend de faire constamment le doua directement après la salat. Parce que c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et c'est pas ça que les sahaba ont fait également. Après la salat, la sunna c'est de faire les rappels. De faire les adhkar. Hein? Tu dis Astaghfirullah trois fois, après tu dis hein, les autres paroles que le prophète s'en a mentionnées, puis les 33 fois tu dis Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, puis les autres adhkar, puis mentionner Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, trois fois chaque, et il y a d'autres adhkar aussi, d'autres versets et d'autres choses que. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et vous pouvez les trouver facilement dans les livres des adhkar, les petits livres qui ont été écrits avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent quel doua faire ou quel adhkar faire après la salat. Mais de prendre l'habitude de faire des doua après chaque prière comme ça c'est pas la sunna et même que ça devient une bid'a si on le prend comme une habitude et qu'on le fait constamment. Naam. Bon, ceci dit, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 54 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurratu Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Dans At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre, et ce chapitre il s'intitule Bab al-Du'a ila Shahadati an la ilaha illallah. Donc, ça c'est le cinquième chapitre, et ça signifie, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire l'invitation, inviter les hommes et inviter les gens. Hommes et femmes et toute l'humanité, yani, a témoigné du fait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, c'est le fait d'inviter les gens à l'islam. Hein? Mais la première chose à laquelle on appelle les gens lorsqu'on les appelle à l'islam, c'est Allah ilaha illallah. Il n'y a pas quelque chose d'autre avant ça. Il n'y a pas quelque chose à quoi on doit appeler les gens pour les inviter à l'islam. Que à les inviter à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah parce que c'est la base de l'islam. Ok? Et donc, on va voir par rapport à ce chapitre pourquoi le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il a mis ce chapitre à cet endroit et pourquoi il l'a intitulé comme ça et c'est quoi le but de ce chapitre. et les hadiths qui sont mentionnés, les versets et les hadiths qui sont mentionnés dedans. Donc le cheikh, pour ce chapitre, il a mentionné un hadith et un verset, pardon, dans le Coran, et il a mentionné deux hadiths. Le verset qu'il a mentionné, c'est le verset 18, pardon, le verset 8, 108, pardon, le verset 108 dans sourate Yusuf alayhi salam, et c'est le verset suivant. وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc ça c'est le verset 108 dans sourate Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: dis ô Muhammad, voici ma voix, j'invite à Allah avec connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des mushrikin, c'est-à-dire je ne suis point du nombre des gens qui font le shirk et qui adorent autre que Allah. Le premier hadith qu'il a cité, c'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui est très célèbre en fait. Beaucoup d'entre nous, on l'a entendu plusieurs fois. Et c'est un hadith très important dans la da'wa et dans la compréhension de la da'wa. Le cheikh, il cite donc ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas. Il dit, « An Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lama ba'atha mu'adhan ila al-Yaman, qala innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Donc ce hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, il l'a envoyé au Yémen, pourquoi? Pour faire la da'wa, pour inviter les gens à l'islam, hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il pouvait aller, par exemple, dans une région ou dans un endroit pour inviter les gens à l'islam. Et parfois, il n'y allait pas lui-même, mais il envoyait ses compagnons parmi ceux qui avaient de la science et de la compréhension de la religion. Et il l'envoyait pour aller, comme son messager, comme son représentant, pour inviter les gens de cette région-là à l'islam. Hein? Et comme on voit ici, c'est pas nécessaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un grand groupe de personnes, hein? Comme par exemple, à notre époque, on voit que dans certains groupes ou dans certaines jama'at, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un groupe de personnes pour aller faire da'wah, par exemple, à gauche ou à droite, ou à tel pays ou tel pays. Sauf que la majorité de ces individus qui forment ce groupe, la plupart d'entre eux n'ont jamais appris l'islam ou n'ont jamais étudié l'islam en profondeur. Donc, ils arrivent dans ces différents endroits et ils ne savent rien. Donc, ils ne sont pas en mesure de régler rien du tout ou d'enseigner quoi que ce soit aux gens, puisque eux-mêmes ont besoin d'être. Hein? Eux autres même ont besoin d'apprendre en premier. Hein? Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas appris. Donc, l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est vraiment claire à ce sujet-là. L'important, c'est la science. Et s'il envoie une seule personne, qui est un savant, c'est mieux que d'envoyer 100 qui sont ignorants. D'accord? Donc, ce n'est pas la quantité ou le nombre. L'important, c'est la qualité. Et donc, ici, il dit, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, et ils ont dit, hein, à propos de Mu'adh, comme ils ont dit à propos de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, « A'lamu l'umma bil halal wal haram ». Ils ont dit, c'est lui le plus savant de la Ummah au sujet de ce qui est halal et de ce qui est haram. Donc, il fait partie des savants de la Ummah. Et il dit que lorsqu'il l'a envoyé, il lui a dit, sache que tu t'en vas vers des gens du livre. Je t'envoie vers des gens du livre. c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Ça veut dire qu'il doit lui dire ça, et le cheikh, il va l'expliquer de toute façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais c'est pour dire, il l'avertit. Je t'envoie vers des gens du livre. Ce n'est pas comme si tu vas chez des Arabes qui n'ont pas reçu de livre auparavant et qui ne connaissent pas la religion. Ceux-là, c'est des gens du livre, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà une base dans la religion, ils connaissent certaines choses. Mais par contre, ils ont des choses sur lesquelles ils ont dévié. Alors, il dit que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que yani, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, de dire La ilaha illallah. Et dans une autre narration, il a dit il a un yuwahidullah, c'est-à-dire que la première chose à laquelle tu les invites soit le fait d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc de les appeler au tawhid. Et le cheikh, il dit, et s'ils t'invitent, et s'ils ils t'obéissent, dans le fait de faire ça, c'est-à-dire ils acceptent de témoigner de la ilaha illallah et d'établir le tawhid d'Allah et de croire en le tawhid, alors apprends-leur qu'ils ont 5 prières qu'ils doivent faire par jour, pendant le jour et la nuit. 5 prières obligatoires pendant le jour et la nuit. Et s'ils t'obéissent sur cela, alors dans ce cas-là, apprends-leur que Allah leur a ordonné une sadaqa, c'est-à-dire de donner la zakat, qui est prise des riches parmi eux pour être transmise ou pour être partagée aux pauvres parmi eux. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors prends garde de prendre le meilleur de leurs biens, de leurs richesses. Si tu prends dans leurs biens pour la zakat, ne prends pas de leur meilleur ou de qu'est-ce qu'ils ont de meilleur. Et fais attention à l'invocation de l'opprimé. C'est-à-dire l'invocation de l'opprimé si jamais tu leur fais une invocation et qu'ils invoquent contre toi. Il dit, fais attention à l'invocation de l'opprimé parce qu'il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah. Il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va expliquer ce hadith-là plus tard en détail, phrase par phrase. Le deuxième hadith qui est mentionné dans le chapitre, c'est le hadith suivant, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Il dit, عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Donc il dit le cheikh, il dit ensuite يدوكون أي يخوضون. Ok, le hadith ici, c'est un hadith également très important. Et il dit qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sahel ibn Sa'd, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le jour de Khaybar, je vais donner la bannière demain à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et Allah va lui donner la victoire par sa main. Va donner la victoire par sa main. Et il dit, alors les gens ont passé la nuit à se poser la question entre eux et à chercher à qui est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va donner la bannière. Parce que chacun souhaitait être parmi ceux qui font partie de ceux que Allah aime et son messager et qui aiment Allah et son messager. Donc lorsque le matin est arrivé, ou l'aube, lorsqu'il est arrivé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu. Et donc, chacun d'entre eux souhaitait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui donne la bannière. Alors il a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Où se trouve Ali ibn Abi Talib? Alors les gens ont répondu en disant, il a quelque chose aux yeux, hein, ses yeux, ça lui fait mal, il a un problème dans les yeux, il n'est pas bien en ce moment. Alors il a envoyé pour que quelqu'un aille le chercher. Alors on l'a ramené. Et lorsqu'il est arrivé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux. Il a craché dans ses deux yeux et il a fait une invocation pour lui. À ce moment-là, il a été automatiquement guéri. Hein? C'est comme s'il n'avait plus rien dans ses yeux et il a été guéri sur le champ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la bannière. Hein? Il lui a dit, pars sur ta monture. Et va jusqu'à ce que tu arrives à leur forteresse. Hein? Parce que les Juifs, ils habitaient dans une forteresse et la bataille de Khaybar, c'était contre les Juifs. Alors, lorsque tu arrives devant leur muraille ou leur forteresse, invite-les à l'islam. S'ils répondent, hein, il dit, informe-leur ce que Allah leur a donné comme obligation parmi les droits d'Allah. Et il dit, et par Allah, je jure par Allah que si Allah a guidé un seul homme par ta main ou par toi, que tu as été la cause de la guidance d'un seul homme, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Hein, les chameaux rouges, c'est-à-dire meilleur pour toi que la plus grande des richesses que les Arabes possédaient à l'époque. Parce que pour eux, à l'époque, il n'y avait pas une richesse plus grande que de posséder des chameaux rouges. Hein. Donc, ça c'est le hadith, le deuxième hadith. Donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a mentionné comme preuve par rapport à ce chapitre. Maintenant, on va expliquer ou lire l'explication reliée à ce chapitre, inshallah. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, wa qawluhu bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire, quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a intitulé son livre, le chapitre 5 dans son livre, Kitab al-Tawhid, il a intitulé ce chapitre L'invitation au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Maintenant, le cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant la signification de ce chapitre. Hein? Et ça, c'est très intéressant et très important parce que ça nous aide à comprendre la façon dont le livre a été structuré. Et pourquoi, hein, ce chapitre-là a été placé à cet endroit-là, et pourquoi il a été placé dans le livre, et pourquoi à cet endroit-là. Donc les deux choses sont expliquées. Il dit le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, هذا الباب مناسبته لما قبله أن الأبواب التي قبله في معرفة التوحيد وبيان فضله وبيان الفضل فضل من حقق التوحيد ولما عرف المسلم هذه الأبواب الثلاثة وعرف باب الخوف من الشرك وعرف الشرك وخطره حينئذ صار عنده علم في عقيدته تؤهله إلى أن يدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويحذر من هذا الشرك ولا يقتصر على نفسه فقط فإنه يجب على من علم علما أن يبلغه للناس وأن يدعو إليه ولا سيما في علم العقيدة وعلم التوحيد وما يضاده من الشرك والبدع والخرافات. نعم, on va traduire ce point-là, après on continue, inshallah. Le cheikh, il dit la raison pourquoi, hein, c'est quoi l'occasion de l'explication ou la mention de ce chapitre dans le livre. Il dit parce que si on regarde les chapitres précédents, hein, le premier chapitre, c'était à propos de l'explication de qu'est-ce que c'est le tawhid, la définition du tawhid. Le deuxième, c'est le mérite et l'excellence, hein, du tawhid. Le troisième, c'était l'excellence de celui qui a yani purifié et complété son tawhid. Donc, il a établi son tawhid, mais à un degré de perfection. Parce qu'il y a des degrés dans le tawhid. On l'a expliqué. Donc, une fois que tu as su ça, tu as connu ces trois chapitres et que tu as connu le quatrième chapitre qui est la crainte vis-à-vis du shirk et de savoir ce que c'est le shirk et ce que ça représente comme danger, Une fois que tu as compris ça, eh bien là, tu es apte maintenant à inviter les gens au tawhid et à les inviter à la ilaha illallah et à les avertir contre le shirk. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu ne peux pas te limiter à ta propre personne. Tu peux pas dire, ça y est, moi j'ai connu le tawhid. Je connais le tawhid, je connais le shirk. Et donc, moi, je vais me limiter à ma propre personne, je ne m'occupe pas des autres. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Non, je pense qu'à moi. Je veux me sauver moi-même seulement. Et une fois que j'ai compris, eh bien, je ne m'occupe plus de personne. C'est juste moi qui, c'est juste de moi-même que je m'occupe. Eh bien, le cheikh, il explique, il dit non. Il faut, une fois que tu as appris, eh bien, il faut ne pas te limiter à toi-même. C'est obligatoire pour toi, une fois que tu as appris quelque chose, de le transmettre aux autres. Hein? Et d'inviter les autres à cette voie. Et en particulier, toute science qui est reliée à la croyance, toute science qui est reliée au tawhid, et tout ce qui s'oppose au tawhid, comme le shirk et les innovations, les bid'a et les superstitions et autres. C'est obligatoire pour toi de mettre en garde à propos de ces choses-là et d'inviter les autres à ça, selon ta connaissance et selon ta capacité. Le cheikh, il dit, wala yasa' al-muslim an yaqtasira 'ala nafsihi, yata'allamu wa yatruk an-nas 'ala ma hum 'alayhi. Fa inna hadha al-'ilm anzalahu Allah lil-jami' wa amara bi tablighihi wa nashrihi lin-nas wa nahaa 'an kitmanihi wa 'adami tablighihi wa 'adami nashrihi. لما في ذلك من الأضرار العظيمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Donc ici le cheikh il explique des choses très importantes. Il dit que le musulman, il ne peut pas se limiter à sa propre personne, comme on l'a dit, et laisser les autres, de ne pas leur enseigner le bien, de ne pas leur enseigner qu'est-ce qu'il a appris, et dire qu'ils restent qu'ils restent dans l'état dans lequel ils sont, et qu'ils s'occupent de leur propre personne, et qu'ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. Moi, ce n'est pas mon problème. Non, le musulman, il n'a pas le droit de penser comme ça. Hein? Et tant pis pour eux. S'ils ne sont pas guidés, tant pis pour eux. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'occupe de moi. Hein? Sauf qu'il peut, comme on dit, chacun pour soi. Hein? Comme on dit, vivre et laisser vivre. Non, ça, ce n'est pas la mentalité du musulman. Le musulman, il n'a pas le droit de penser comme ça. Il n'a pas le droit d'agir comme ça. Ceux qui agissent comme ça, en réalité, et en grande partie du temps, c'est les juifs. Ils ont leur religion et ils disent, nous, on a ça et c'est ça qu'on a reçu de la part d'Allah, et donc c'est ça qu'on suit, et puis tant pis pour les autres, hein, les autres peuples, c'est pas notre problème, on est le peuple élu. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors qu'on sait que, alhamdoulillah, lorsque quelqu'un a reçu le message d'Allah, hein, c'est pas la même chose, c'est vrai que pour les juifs à l'époque, quand Moussa alayhi salam est venu pour eux, chaque prophète venait pour un peuple spécifique et précis. Il ne venait pas pour tous les peuples en même temps. Donc, d'un côté, c'est sûr que d'un côté ou d'un point de vue, ils ont raison parce que ils ont reçu ce message de Moussa alayhi salam et c'était que pour eux à la base. Sauf que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam est venu, eh bien, ils ont le devoir et l'obligation de croire en lui. Et une fois qu'ils acceptent de croire en lui, eh bien, ils ne peuvent plus prétendre ou penser que le message se limite uniquement à eux. Maintenant, ça devient une religion, un message universel. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas dire c'est seulement pour nous et tant pis pour les autres. Non. La même chose aussi, le fait que Isa alayhi salam soit venu pour les fils d'Israël. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Wa rasulan ila bani Israël ». C'est un messager qui a été envoyé pour les fils d'Israël seulement. Et même dans le Nouveau Testament, les chrétiens, ils ont même dans leur livre, c'est écrit, je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il dit lui-même, yani, je ne suis pas venu pour toute l'humanité. Et celui qui a généralisé ou qui a, disons, qui a rendu la religion accessible, disons, plus pour les non-juifs, parmi les premiers chrétiens, c'est Paul, hein? C'est lui qui a changé la mission, en fait. Hein? Même qu'il a aboli il a aboli l'application de la Torah et aussi il a aboli la circoncision parce qu'il voyait que ça ne marchait pas pour inviter les Grecs et les Romains à sa religion. Hein? Donc il a dit, puisque ça c'est un obstacle, eux ils ne veulent pas accepter les lois, ils ne veulent pas accepter la circoncision, donc on va l'enlever. Hein? Puis on va dire que non, maintenant, une fois que si vous acceptez Jésus, vous n'avez plus besoin de la loi, soi-disant, il a rentré plein de philosophie dans cette histoire pour essayer d'éliminer la Torah, hein, et puis commencer à dire aux gens, oui, venez dans la religion. Et il a concentré sa da'wa ou sa prêche envers les non-hébreux, les non-juifs, plutôt que aux juifs, alors que Jésus, il avait dit qu'il n'était pas venu pour tout le monde, il était venu juste pour eux. Naam. Wallahu alam. Franchement, j'ai jamais entendu ça. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il mentionne que il a reçu cinq particularités, cinq choses que aucun prophète avant lui n'a reçues. Et parmi ces choses-là, il mentionne le fait que les prophètes avant lui étaient envoyés à leur peuple en particulier, alors que lui, il a été envoyé à tous les peuples. Donc ça, c'est une particularité. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que Isa alayhi salam était un messager pour Bani Israël. Et il l'a répété dans plusieurs versets dans le Coran, dans différents endroits. Et c'est également confirmé même dans leur livre qui a été changé et falsifié. Et c'est vrai que dans un des évangiles, je pense qu'il y a un ajout qui a été mis à la fin. Je ne sais pas si c'est l'évangile de Marc ou de Luc ou de un de ces évangiles, un des quatre évangiles qui dit que il avait dit aller vers les nations, prêcher, soi-disant, je ne sais pas quoi. Et d'après ce que les savants, les théologiens ou les spécialistes chrétiens ont dit que cette partie-là ou ce verset-là, on ne le retrouve pas dans les plus anciens manuscrits. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite. D'accord? Et donc, c'est pour ça que l'authenticité, comme on sait, l'authenticité des évangiles, elle est vraiment pas solide. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que si on regarde qu'est-ce qui est dedans, on ne peut pas vraiment faire confiance à tout ce qui est mentionné dans leurs évangiles parce que beaucoup de ce qui est dedans, c'est pas authentique. Beaucoup d'entre ce qui est dedans, c'était écrit bien longtemps après que Issa fut élevé aux cieux. Vous savez que les premiers chrétiens après Issa alayhi salam, ils n'avaient pas avec eux un livre qu'ils lisaient autre que la Torah. Hein? Et les premiers livres qui ont été écrits, wa'alaikum salam, les premières écritures que les chrétiens ont utilisées, c'est les lettres que Paul a écrites aux différentes communautés de chrétiens dans les différentes régions. C'est ce qu'on appelle les 14 lettres de Paul. Et ces lettres-là, c'est ça qu'ils ont mis dans la Bible après les quatre évangiles et les actes des apôtres aussi après. Et ça, c'était écrit avant les quatre évangiles. Malgré que si tu regardes dans le Nouveau Testament aujourd'hui, eh bien, tu vois en premier les quatre évangiles, tu as l'impression que c'est ça qui était venu en premier. Mais l'ordre dans lequel les livres sont dans le Nouveau Testament, c'est pas l'ordre chronologique dans lequel ils ont été écrits. Donc, il y a beaucoup de confusion comme ça. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements déjà dans la traduction. Beaucoup des textes originaux qu'ils possèdent aujourd'hui sont en grec, sont même pas dans la langue que Jésus parlait. Donc déjà, on sait qu'il y a la traduction d'une langue sémitique à la langue grecque, qui a une mentalité, une culture, une religion, des croyances totalement opposées. le fait de transposer de cette langue à l'autre, déjà, il y a beaucoup de la signification qui est perdue dans cette traduction-là. Hein? Et en plus de ça, si on regarde également le fait que, par exemple, ces textes-là, on ne sait même pas qui les a traduits. Hein? On ne sait pas c'est qui le traducteur. Est-ce que c'est un traducteur honnête? Est-ce que c'est un traducteur qui est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui était témoin? Est-ce que quelqu'un qui était là vraiment? Est-ce que c'était les apôtres eux-mêmes ou c'était quelqu'un d'autre? Tout ça, on ne le sait pas. Hein? Et il y a beaucoup d'autres choses. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails à ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui est très intéressant quand même à comprendre et même important aussi pour ceux qui sont chrétiens, par exemple. C'est très important pour eux de connaître ça parce que c'est quelque chose qui peut justement les aider à connaître la vérité et à se débarrasser justement de beaucoup de fausses croyances qui sont répandues dans le christianisme, yani. Et donc, c'est très important de le comprendre, de le connaître pour être capable de mieux leur expliquer la vérité de l'islam. Donc, comme je disais, yani, il ne faut pas se limiter à soi-même. Hein, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message universel, une religion qui a été révélée pour l'humanité tout entière, peu importe leur origine ou leur culture ou leur langue ou leur couleur ou leur lieu géographique dans lequel ils sont. Yani, tout le monde est invité à accepter et à croire en l'islam. Ensuite, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux musulmans de transmettre et de le propager, cette religion. Pas de le garder pour soi. Mais pourtant, tu vois, dans certains pays musulmans, certaines personnes, ils ont cette mentalité que la religion, c'est quelque chose, ça se limite à soi-même, c'est personnel. Il faut pas en parler aux autres. Il faut pas non plus essayer de faire changer la croyance de quelqu'un d'autre pour qu'il accepte. Hein, notre croyance, il y en a des musulmans qui ont cette mentalité-là. Hein? Ils vont jamais appeler quelqu'un d'autre à l'islam ou essayer de le convaincre de la véracité de l'islam et de lui montrer les faussetés qui sont dans ses croyances. Donc ça cause un gros problème. Et c'est pour ça que je pense que, Wallahu ta'ala a'lam, mais ça c'est quelque chose que les ulama ont dit plusieurs fois, je pense qu'il faut qu'il y ait dans tous les pays musulmans des endroits qui forment des du'at, qui enseignent la charia d'Allah et la aqida, le tawhid et les croyances de l'islam, et qui préparent des gens même pour être capables de présenter et d'enseigner l'islam aux autres peuples, même dans différentes langues. Ça c'est très important. Et en particulier dans des pays du Maghreb. Ça, c'est très important. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ces pays qui sont aux frontières, aux limites avec les pays occidentaux. Hein? Les pays d'Afrique aussi, c'est très important qu'il y ait des écoles, des universités, des centres d'enseignement où on forme des gens comme ça, avec une science solide, une connaissance et une compréhension pour être capable de propager la religion de l'islam et pour. Parce que lorsque les gens cessent de faire la da'wah, c'est pas que les choses vont rester neutres comme ça. Si toi, tu fais pas la da'wah aux autres, c'est les autres qui vont te faire la da'wah. C'est pas que ça va s'arrêter. Tu dis, ah, je fais pas la da'wah, eux, ils font pas la da'wah, on est tous restés chacun sur nos positions. Non, c'est pas vrai. Si toi, tu fais pas la da'wah aux autres, c'est les autres qui vont te faire la da'wah à quelque chose d'autre et à quelque chose qui est faux. Et ça peut être une da'wah au christianisme, ça peut être une da'wah à autre chose. Parce que des fois, les musulmans, ils ont l'idée que si les gens ou les koufars, ils veulent faire égarer les musulmans ou faire dévier les musulmans, que c'est uniquement en les appelant à se convertir à une autre religion. Or, parfois, ils peuvent vouloir égarer les musulmans, non pas en les appelant à entrer dans une autre religion, mais uniquement en les faisant sortir de leur religion, c'est-à-dire en les faisant sortir de l'islam, sans les appeler à une autre religion, sans qu'ils s'en aperçoivent, ils quittent l'islam. Parce que ils enseignent aux musulmans des idéologies ou des principes où ils leur inculquent des idées ou un mode de vie qui contredit l'islam et les croyances de l'islam. Et il les appelle à ces idées-là, non pas d'une manière directe, mais d'une manière indirecte, par des suggestions ou par des toutes sortes de différents moyens. Donc, beaucoup de musulmans, sans même s'en apercevoir, ils quittent l'islam et ils deviennent des koufars, ou ils deviennent des mouchriquins, ou ils deviennent des athées, ou ils deviennent toutes sortes d'autres choses, sans même réaliser qu'ils ont quitté l'islam. Pourquoi? Parce que les koufars leur font cette da'wa qui est très subtile. Des fois, c'est juste par la télé, par les films, par les vidéos, par les reportages, il y a toutes sortes de choses comme ça, des idées qui sont véhiculées. Après, tu vois que des musulmans, on leur présente ces choses-là comme étant le progrès, la science, l'évolution, l'éducation, toutes sortes de trucs, et eux, ils prennent tout ce que les koufars enseignent, ils le prennent, ils l'absorbent, ils l'acceptent, sans trier, sans distinguer, sans faire de répartition pour dire oui, ok, ça c'est correct, ça c'est bénéfique, ça c'est bon, ça non, ça c'est mauvais, ça c'est contraire à la vérité, ça c'est faux, ça c'est nuisible, ça c'est haram. Ils ne distinguent pas, ils prennent tout comme un bloc. Et puis le résultat, petit à petit, ils s'égarent. Et les enfants, ils voient des fêtes, ils voient Noël, ils voient des trucs comme ça. Les parents, ils disent, oh, ben, on va faire Noël. Et quand c'est l'Halloween, ils disent, oh, ok, on va passer l'Halloween. Et quand c'est la Pâques, ils disent, oh, ben, on va faire les œufs de Pâques, Noël. Donc, à la fin, tu commences à pratiquer leur religion et tu t'en aperçois même pas. Parce que tu penses, ah, mais c'est juste des fêtes. Oui, après, il y a d'autres choses qui rentrent. Et petit à petit, tu t'assimiles et tu t'assimiles et tu t'assimiles jusqu'à ce que, à la fin, tu as quitté l'islam et tu ne t'en es même pas aperçu. Donc, la da'wa, elle peut être faite de différentes façons. Ce n'est pas nécessairement une da'wa qui est d'affront et directe et explicite. Ça peut être une da'wa qui est subtile et qui est faite de façon, comme on dit, en sous-marin, comme on dit. Par en dessous, tu t'en aperçois même pas. Donc c'est pour ça que. Mais par contre, si nous on fait notre devoir de propager l'islam, d'enseigner l'islam, ça nous ordonne ou ça nous demande de faire des efforts pour apprendre notre religion, pour être capable de la transmettre, et non seulement d'apprendre notre religion, mais de comprendre la religion des autres, pour être capable de savoir les problèmes qu'il y a dans ces religions-là, pour être capable de les réfuter, pour être capable de les convaincre que l'islam c'est la vérité et que leur religion elle n'est pas correcte. Mais ça s'apprend de la connaissance. Le frère il pose la question, il dit comment le commun des musulmans, le musulman ordinaire, comment il fait pour être protégé de ce genre de propagande ou de prêche d'incitation ou d'influence de la part des koufars. Comment les musulmans du commun, les musulmans ordinaires, il va faire pour se préserver de tomber dans ce genre d'égarement que les koufars lui suggèrent à chaque fois. Et ça, c'est la réponse à ce sujet-là. C'est clair que la plus importante des moyens, c'est premièrement d'essayer de faire le plus possible d'efforts pour apprendre ta religion correctement et d'être proche des ulama et des gens qui ont de la science pour justement leur demander des conseils et des compréhensions par rapport à comment agir dans ces situations-là. Une des façons aussi. Bien entendu, c'est premièrement, si tu vis dans des pays de kufr, des sociétés qui ne sont pas musulmanes, de quitter ces pays-là pour vivre dans des sociétés musulmanes. Parce que, si tu dis par exemple, bon, moi, je veux rester propre et je ne veux pas me salir, je veux rester dans un environnement qui est sain et qui est en accord avec ma religion. Et je ne veux pas avoir des problèmes par rapport à tout ce qui se passe dans les sociétés de coffre. Alors je te dis, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ici? Dans ce cas-là, va dans des pays musulmans. Va dans des pays où tout le monde est musulman. Et si tu dis, ouais, mais dans les pays musulmans, il y a aussi des péchés, il y a aussi des choses qui ne sont pas correctes. Oui, c'est vrai, sauf que la base de la société, elle est musulmane. Et si dans le pays, par exemple, si toi tu viens d'un pays musulman où l'islam, il n'est pas fort, où l'islam, il est un petit peu mélangé avec toutes sortes de choses, alors essaie de trouver un autre pays musulman où tu peux aller, où tu vas pouvoir préserver ta religion. Parce que le musulman, il doit toujours essayer d'aller vers qu'est-ce qui est mieux. Et si tu ne peux pas avoir qu'est-ce qui est 100% ou qu'est-ce qui est parfait, mais tu essaies de trouver qu'est-ce qui est le plus possible, le plus proche possible de qu'est-ce qui est bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, sept dedos wa qaribo. Hein, sept dedos. Sept dedos, ça veut dire, ça vient de sadad. Sadad, ça veut dire la droiture. Hein, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est clair. À essayer de suivre qu'est-ce qui est droit. Et si vous n'êtes pas capable, faqaribu. Qaribu, c'est-à-dire rapprochez-vous. Rapprochez-vous le plus possible de ça. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je ne peux pas arriver à aller à tel endroit où l'islam, il est bien, où l'islam, il est pratiqué comme il faut, où il y a l'islam. Donc, dans ce cas-là, je préfère rester chez les kuffars. Je dis, si tu ne peux pas aller vers qu'est-ce qui est 100% ou qu'est-ce qui est meilleur, ben, au moins va vers qu'est-ce qui est mieux, hein? Qu'est-ce qui est moins grave. Si tu as le choix entre un pays musulman ou un pays de shirk et de kufr, c'est sûr que entre la Mecque et Médine et l'Amérique ou l'Europe, il y a entre les deux beaucoup de possibilités, hein? Mais les gens, ils voient que le confort, l'aisance matérielle, et les facilités hein, sur le plan matériel, c'est ça qu'ils regardent comme priorité. Et les questions de la religion ou de la pratique, c'est quelque chose qu'ils prennent comme étant secondaire. Illa man rahim Allah. Donc, pour se préserver, là, il y a ça. Puis aussi, bien entendu, d'apprendre, comme j'ai dit, le ilm, c'est la priorité. Et une fois que les musulmans savent qu'ils ne doivent pas imiter les koufars, ils ne doivent pas suivre leurs croyances ou leur religion ou leurs fêtes. Une fois qu'ils ont compris ça, alors ça veut dire que par la suite, yani, ils vont déjà comprendre le danger, donc ils vont se préserver. Mais s'ils n'ont pas de connaissances, c'est clair qu'ils ne vont pas être préservés, ils ne vont pas être protégés du tout. Naam, fika barak. Donc le cheikh, il mentionne des versets hein, qui nous dit. Yani qui nous mentionne l'importance de propager l'islam et de faire connaître aux autres la religion de l'islam. Le verset 110 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et il mentionne ensuite la raison pourquoi, yani, comment il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut posséder comme caractéristique pour faire partie de cette nation qui a été. Déclaré comme étant la meilleure qui est sortie pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il s'adresse bien entendu aux sahaba. Il dit, vous êtes les meilleurs qui sont sortis, hein, meilleure umma, la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles cette nation est la meilleure. Et ensuite, il dit, dans le verset 104, dans Sourate Al-Imran, quelques versets avant, qu'il y ait parmi vous une nation ou un groupe hein, qui invite au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit, wa matlubun min al-muslim an yamtadda khayrahu ila ghayrihi wa an yanfa'a an-nas wa an yu'allimahum مما علمه الله وينقذه من الضلال ويعلمهم من الجهل فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل فمن علم هذه الأبواب عرف التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وتجنبه فإنه لا يكفيه ذلك بل يجب عليه أن يدعو إلى ذلك ولذلك ولهذا قال يعني رحمه الله باب الدعاء يعني أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي التوحيد وتعليم الناس هذا الأمر العظيم. Donc le cheikh il dit, donc le musulman il doit faire en sorte que le bien qu'il a en lui-même il le propage aux autres, il ne le limite pas seulement à lui-même, et donc yani, il doit faire profiter de ce que Allah lui a enseigné en l'enseignant aux autres lui aussi, et pour sauver les autres de l'égarement, et pour leur enseigner, pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Donc il sera responsable, il sera responsable de ça, et questionné par Allah au jour de la résurrection à propos de ça. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? T'étais parmi les kuffars et les mushrikin. Qu'est-ce que tu as fait pour leur montrer l'islam? Qu'est-ce que tu as fait pour leur enseigner la religion d'Allah? Qu'est-ce que tu as fait pour leur expliquer le tawhid? Qu'est-ce que tu as fait pour leur expliquer la ilaha illallah? Comment ça se fait que tu étais avec eux tous les jours, tu leur as jamais parlé de l'islam? Tu vas être questionné pour ça. Yani, kullun hasaba ilmi wa istita'ati. Yani, toi par exemple, tu dis, moi je suis pas un savant, je suis pas un alim, je peux pas appeler quelqu'un à l'islam. Quoi, tu peux pas dire à un kafir, hein, accepte l'islam? Ou s'il te pose des questions, tu peux pas lui donner un livre? S'il te demande des choses, tu peux pas lui donner un audio? Yani, tu peux pas lui partager avec lui un livre sur la religion de l'islam, dire ça c'est la vérité, lis ça, apprends quelque chose de l'islam. Oui, ben c'est-à-dire que si toi, tu as la connaissance, tu expliques toi-même. Mais si toi, tu n'as pas la connaissance, tu donnes à la personne des outils pour qu'il puisse apprendre par lui-même. Parce que chacun, il a son niveau de connaissance. D'accord? Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'excuse en réalité pour celui qui dit « Moi, je ne suis pas un savant, je ne peux pas faire la da'wah. » Non, toi, tu n'es pas un savant, mais il y a des savants qui ont écrit. Il y a des savants qui ont expliqué, il y a des durus, il y a des traductions, il y a des choses qui existent. Tu peux le partager avec les gens, mais toi, tu ne veux pas partager avec les gens quoi que ce soit. Et même que tu veux, certains musulmans, ils ne veulent même pas que les gens avec qui ils sont au travail ou à l'école sachent qu'ils sont musulmans. Pourquoi? Parce que, peut-être parce qu'ils ont, honte ou ils sont gênés ou ils ont peur. À cause de ce que les gens ont comme préjugés sur l'islam et sur les musulmans, alors eux, ils ne veulent pas se faire stigmatiser à cause de ça. Mais sache que si toi, tu es un bon musulman et que toi, tu as un bon comportement et que toi, tu dis aux autres, moi, je suis musulman, eh bien, sache que ça va être déjà là en partant une da'wah. Parce qu'ils vont mettre en parallèle qu'est-ce que toi, tu dis et qu'est-ce que toi, tu fais. Et ils vont regarder ce que les koufars disent dans les médias ou à la radio ou dans les journaux à propos des musulmans. Mais ils vont voir que toi, qu'est-ce que tu montres comme comportement, c'est beaucoup, beaucoup différent par rapport à ce que les gens disent. Ils vont dire, lui, c'est un musulman. Et à la télé, on entend parler que les musulmans, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui sont dangereux, c'est des gens qui sont comme ci et comme ça. Et lui, il n'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que les musulmans, ils ne sont pas comme ça pour de vrai. Ces médias-là, ils sont en train de mentir sur l'islam et les musulmans. Alors, par ton exemple, tu vas leur prouver que qu'est-ce que leurs médias sont en train de dire sur les musulmans, c'est du mensonge. Ça, c'est déjà une da'wah aussi. Hein? Mais si tu le caches et tu fais semblant, tu dis, moi, j'ai rien à faire avec ça. Moi, je travaille, c'est tout. Et moi, je suis à l'école. J'ai des collègues. Je ne veux pas dire que je suis musulman. Je ne veux pas commencer à discuter de religion. Hein? Chacun en a sa religion. Ce n'est pas mon problème. Non, ça, ce n'est pas l'attitude du musulman. Non, ce n'est pas la bonne façon. Akhi, si toi, tu ne fais pas partie des ulama, de vouloir étudier leurs livres pour essayer de les réfuter. Là, ça, c'est un autre niveau. Ce niveau-là, ça c'est pour les ulama. Ça, ce niveau-là, c'est pour les ulama seulement. C'est eux qui ont la capacité et le moyen pour aller dans leurs livres et pour expliquer. À moins que toi, tu te bases sur les livres des savants de l'islam, qui ont, eux, lu les livres des juifs et des chrétiens et qui ont sorti de ces livres-là les versets qui peuvent être utilisées comme argument pour leur montrer la véracité de l'islam. Dans ce cas-là, tu te limites à qu'est-ce que les savants de l'islam ont cité de leurs livres. Dans ce cas-là, c'est correct. Mais que toi-même, tu partes étudier leurs livres alors que tu n'as pas yani une connaissance suffisante, eh bien ça peut être une source d'erreur, même parfois une source d'égarement. Alors, c'est préférable que tu ne t'aventures pas dans ça, à moins que tu aies atteint un certain degré dans la science de l'islam qui te permet de le faire. Naam. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui se sont laissés influencer ou inspirés par certains prêcheurs qui ont cette méthodologie d'utiliser la Bible hein, comme méthode de da'wa. Et il faut comprendre que à la base, la référence qu'on doit employer pour faire da'wa aux non-musulmans, ce n'est pas la Bible, c'est le Coran. D'accord? Et les arguments qui sont dans le Coran. Et non pas d'utiliser leurs livres, excepté si, hein, comme j'ai dit, tu as maîtrisé ta connaissance dans la religion et que tu es apte à pouvoir justement rentrer dans leurs livres pour être capable de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et de pouvoir distinguer entre ces choses-là. Mais, comme j'ai dit, ça, c'est pas ouvert à tout le monde. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre pour réfuter les chrétiens, ça s'appelle Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Et le livre, on en a une copie, il y a 6 volumes. Et donc, c'est un prêtre hein, de l'île de Chypre, hein, dans la Méditerranée. C'était un moine ou un prêtre. Il a écrit une lettre à Ibn Taymiyyah pour l'inviter au christianisme. Alors Ibn Taymiyyah lui a répondu avec ces volumes-là, 5 volumes, pour lui répondre. Hein? Et il a mentionné dans ces volumes des versets de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament. Il a clarifié toutes sortes de sujets et clarifié beaucoup de choses. Il y a un livre aussi écrit par Ibn al-Qayyim, Hidayatul Hayara, hein, min al-Yahudi wa al-Nasara, c'est-à-dire la guidance pour les gens confus. Hein, pour ceux qui ont été confus, les juifs et les chrétiens. Donc, dans le livre, il réfute beaucoup des choubouhats des juifs et des chrétiens, il clarifie beaucoup de choses, et c'est vraiment un très bon livre hein, pour expliquer les erreurs des chrétiens. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, si tu veux des références, il y en a énormément. Donc, il y en a des livres plus contemporains, il y en a des livres plus anciens. Il y a de tout, il y en a qui peut te servir comme outil pour être capable de les convaincre, leur expliquer l'islam. Mais avant toute chose, la priorité et le fondement de base le plus important pour être capable de les appeler à l'islam, c'est d'étudier le tawhid et de connaître le tawhid. Parce que c'est ça le fondement et la base de l'islam, et c'est sur ça que eux ils ont dévié en premier. Et c'est là-dessus qu'ils ont fait la plus grande erreur. Par exemple, les chrétiens avec la Trinité, par exemple, leur croyance en le fait que Jésus, ils disent qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, trois en un, et ainsi de suite. Ça, c'est leur égarement fondamental. Et ça rentre dans la question qui a rapport avec le tawhid, qui est l'unicité d'Allah. Donc, si tu es capable de comprendre ton tawhid comme il faut et de comprendre la réalité de ce que ça signifie dans l'islam et les égarements qu'eux, ils ont par rapport à ce fondement-là, tu vas être capable de les convaincre parce que dans leurs livres, il y a des traces du tawhid. Dans leurs livres, il y a des traces de l'enseignement des prophètes et l'enseignement de tous les prophètes, c'est le tawhid. Donc, tu utilises ça comme pilier. Et comme fondement dans ta da'wa avec les chrétiens et avec les juifs aussi. Tu leur bases ta da'wa sur les principes de tawhid qui restent encore jusqu'à aujourd'hui dans leurs livres, qui confirment que l'islam c'est la vérité et qui montrent que ce qu'ils ont comme croyance qui contredit le tawhid, c'est une preuve que leur religion n'a pas été gardée et préservée authentiquement et qu'elle a été falsifiée et déformée par leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins et autres. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et une fois que tu as compris ça et que ton tawhid, il est solide, eh bien, yani, pour dire franchement, il y a personne qui sera capable de t'ébranler dans ta croyance. Et il n'y a personne que tu ne seras pas capable de convaincre, hein, qu'il soit athée, juif, chrétien, bouddhiste, hindou ou autre. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont dévié en premier par rapport au tawhid. Naam. Après, le cheikh, il explique, il dit, donc ces chapitres qu'on a étudiés jusqu'à date, que ce soit la connaissance de la définition, qu'est-ce que c'est le tawhid, le mérite, hein, et qu'est-ce que le tawhid a comme mérite, c'est-à-dire celui qui a établi le tawhid, qu'est-ce qu'il va obtenir de ça, qu'est-ce que ça va lui donner comme bien. Également de savoir le mérite qu'il y a dans le fait de purifier et de parfaire son tawhid pour qu'il soit, hein, un tawhid le plus parfait possible, et qu'est-ce qui découle de ça. Et aussi de connaître ce que c'est, ce qui oppose le tawhid, c'est-à-dire le shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk et comment faire pour s'en écarter. Ça, c'est important aussi parce que si tu connais le tawhid mais que tu connais pas le shirk, tu risques de tomber dans le shirk facilement. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, oh non, moi je connais le tawhid, la ilaha illallah. Mais si tu vois comme il voit des formes de shirk devant lui, mais il ne sait même pas que c'est du shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su qu'est-ce que c'est le shirk. Il ne connaît pas. Donc, il pense que des choses qu'il fait, il pense que ce n'est pas shirk, alors que c'est shirk, malheureusement. Le cheikh, il dit ensuite, et il y a maintenant ce chapitre-là qu'on va étudier, qui est l'invitation. Babu du'a. Il dit, du'a, ici, c'est dans le sens de da'wa, hein, l'invitation, hein, le fait d'appeler et d'inviter. Ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire au tawhid. Donc, d'apprendre aux gens ce fondement immense qui est la base de la religion de l'islam. Si tu vas voir des non-musulmans aujourd'hui, ou même certains musulmans, et que tu leur poses la question, selon toi, c'est quoi la chose la plus importante dans la religion musulmane? Eh bien, tu vas être surpris d'entendre toutes sortes de réponses, mais très peu de musulmans et très peu de non-musulmans vont répondre le tawhid ou la ilaha illallah. Hein? Pourquoi? Parce que ils ont tellement d'idées confuses par rapport à l'islam, ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est. Et ils ne savent pas non plus c'est quoi le fondement, la base primordiale et fondamentale, hein, et suprême de cette religion-là. Donc, si tu leur dis ça, et faites le test, demandez à des amis, demandez à vos proches, demandez à des gens que vous côtoyez. Selon toi, t'entends parler de l'islam, s'il n'est pas musulman, toi, t'entends parler souvent de l'islam. Selon toi, par rapport à cette religion de l'islam, qu'est-ce que tu penses que c'est le plus important ou le fondement, le message fondamental de cette religion-là pour toi, c'est quoi? Juste pour voir qu'est-ce qu'il peut avoir comme idée. Et tu vas voir. C'est pas. En grande majorité du temps, ils répondent jamais le tawhid. Et même des musulmans. Même des musulmans. J'ai déjà posé la question, selon toi, c'est quoi le plus important dans l'islam? Ils vont dire la salat, ils vont dire le bon comportement, ils vont dire toutes sortes de choses. Mais c'est très rare que quelqu'un va répondre correctement et dire c'est le tawhid. Ou la ilaha illallah. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème dans la conception et la façon de concevoir la religion musulmane. Ensuite, le cheikh, donc, il a cité le premier verset, et le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 108 dans Sourate Yusuf. Et ce verset, c'est « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dit, voici mon chemin, voici ma voie. J'invite à Allah, moi, hein, avec connaissance, avec science, à la basira, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et gloire à Allah, hein, que Allah soit purifié. Et je ne suis pas du nombre des mushrikines. Donc, le cheikh, il explique ce verset-là. Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il dit أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه وهو الدعوة إلى الله أدعو إلى الله أي إلى توحيده وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فدلت هذه الآية على بيان منهج الدعوة ومقدماتها وأنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه وذلك كما يلي أولا قوله إلى الله فيه وجوب الإخلاص في الدعوة وأن يكون قصد الداعية وجه الله عز وجل ليس الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مطامع الدنيا كمدح الناس وثنائهم أو الوجاهة والمكانة في المجتمع أو الظهور والبروز بين الناس فإن هذا الذي يدعو لهذه الأغراض لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله. Donc le cheikh il va expliquer maintenant ce verset. Il dit premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de dire aux gens, voici ma voie, voici ma méthodologie, hein, voici mon chemin, le chemin sur lequel je marche, c'est-à-dire le fait d'inviter à Allah. Notre manhaj, c'est le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son manhaj, c'est le manhaj de la da'wah. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission fondamentale et son rôle fondamental, c'est d'appeler l'humanité au tawhid et à l'islam. Il n'a pas d'autre tâche plus importante que celle-là. Hein? Et c'est ça la tâche et la responsabilité, le devoir de tout musulman, hein, qui a appris sa religion. C'est ça après qu'il ait appris et qu'il ait appliqué, il doit appeler les autres lui aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, quand il mentionne ad'u ila Allah, c'est-à-dire j'appelle les gens au tawhid et à l'adoration d'Allah et à l'unicité d'Allah et à l'obéissance d'Allah et à l'obéissance de son messager et à délaisser ce que Allah a interdit et ce que son messager a interdit. Et ça c'est la preuve dans ces versets de l'explication de la méthodologie qu'il doit y avoir dans la da'wah. Tu vois que certains prêcheurs aujourd'hui ou certaines personnes qui parlent de religion, ils n'ont pas comme priorité ou comme intérêt l'invitation des gens à l'islam ou l'invitation des gens à la sunna et d'appeler les musulmans et les non-musulmans à pratiquer et à connaître leur religion correctement. Et la preuve de ça, c'est qu'ils ne donnent pas à l'unicité d'Allah et au tawhid d'Allah la priorité dans la compréhension de la religion. Il donne au tawhid une place, comme si c'était secondaire, comme si c'était vraiment pas primordial ou fondamental. Et c'est ça, c'est comme ça que tu peux distinguer quelqu'un qui suit la méthodologie des messagers et quelqu'un qui fait la da'wah selon une autre méthodologie, une méthodologie innovée, une méthodologie qui est axé sur la politique ou qui est axé sur d'autres choses qui sont loin de ce que les messagers ont enseigné. Parce que les messagers, leur priorité, c'est de sauver les hommes de l'enfer. Et qu'est-ce qui est la première chose qui peut sauver les hommes de l'enfer s'ils l'ont accepté? C'est la ilaha illallah. Les autres choses, si tu les as acceptées sans accepter la ilaha illallah, eh bien, ça ne peut pas te sauver de l'enfer. Hein? Par exemple, tu vas dire à une femme, il faut te couvrir, tu dois t'habiller avec un voile et tu ne dois pas montrer ton corps. Elle dit, d'accord, j'accepte. Mais elle continue à prier à Jésus ou à Marie ou à se prosterner devant Bouddha ou à Krishna ou les idoles. Est-ce que son voile va l'amener au paradis? Non, parce qu'elle est sur le shirk. Hein? Peut-être que cette femme, même si elle porte... un voile qui la couvre de la tête aux pieds, Même il y a des religieuses chrétiennes qui s'habillent comme ça. Dans certains couvents, dans certaines congrégations religieuses, il y en a qui ont exigé à leurs membres de se couvrir de la tête aux pieds et même de se couvrir le visage. Et elles se voilent, quand tu les regardes de l'extérieur, tu vas penser que c'est des musulmanes. Pourtant, quand elles ne prient pas à Allah, elles prient à Jésus, elles prient à des prophètes, elles prient à Marie, elles prient à des saints et à des images et à des statues. Ça, c'est du shirk. Donc, le fait de se voiler, ce n'est pas suffisant pour être au paradis. Si quelqu'un il n'a pas accepté le tawhid, ce voile ne vaut rien. Hein? La même chose aussi pour toutes sortes d'autres notions que les gens ont et qui sont secondaires par rapport au tawhid. Hein? Donc ça, c'est très, très, très important. Après, le cheikh, il dit, par rapport au verset, il a mentionné 5 points pour comprendre le verset lui-même. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Mais on continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Hein, parce que c'est mieux de le laisser comme ça, on va l'expliquer tout d'un seul coup. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.